Maxi Sud. Alors bonjour, je suis le capitaine Ludovic Sirmain, le chef du centre d'incendie et de secours de la Guépie. Je suis pompier volontaire depuis le 1er juin 2001. Est-ce que vous pouvez nous présenter le CIS de la Guépie ? Oui, alors on est 28 sapeurs-pompiers, plus une infirmière et un pharmacien. On a une section composée de 13 jeunes sapeurs-pompiers. On effectue en moyenne 300 interventions par an. On défend 10 communes sur 3 départements différents, donc le Tarn, l'Aveyron et le Tarn-et-Garonne. Comment se porte le volontariat du côté de la Guépie ? Alors aujourd'hui, au niveau de la Guépie, on ne peut pas dire que le volontariat est en crise, mais c'est un travail de tous les jours. Voilà, on fait pas mal d'animations dans le village pour essayer de recruter du personnel. On travaille aussi avec les employeurs pour pouvoir libérer nos personnels en journée. C'est un travail quotidien pour recruter des personnels au jour le jour. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore cette difficulté au niveau de la Guépie. C'est vrai que moi, en 6 ans de chef de centre, j'ai recruté plus d'une vingtaine de sapeurs-pompiers. Et là encore, on a 4 nouveaux sapeurs-pompiers qui vont intégrer le centre au niveau dans l'année 2026. Quelle serait la principale ou les principales forces du centre de secours de la Guépie pour vous ? Mais la force du centre de secours de la Guépie, c'est comme je le disais, notre position géographique. Voilà, on est dans un bassin, notre bassin est composé des 3 départements. On défend des populations du Tarn, de l'Aveyron, et qui sont loin de tous les hôpitaux, également dans un secteur en carence de médecins. Donc on est le premier maillon de la chaîne des secours, disponible immédiatement, 24 heures sur 24 et toute l'année. Vous avez souligné lors de la Sainte-Barbe certains soucis par rapport à des appels d'une certaine population, par rapport à des besoins. C'est une réalité ? Tout à fait, si je l'ai souligné, c'est qu'on a une réalité qui remonte du terrain. Là, cette année, lors de la tournée des calendriers, il a été fait part à nombreuses reprises d'attente des secours. Donc après la régulation, c'est vrai que le choix est fait d'envoyer une ambulance privée qui vient parfois des chefs-lieux des départements. Et comme nous sommes excentrés, on est à une heure de route d'Albi ou de Montauban. Et c'est vrai que les gens attendent des fois plus d'une heure les secours, alors qu'on a des pompiers disponibles juste à côté. Bon, là, un petit souci également, j'ai vu par rapport à ce nouveau système d'alerte, je dirais, qui va être mis en place au niveau des zones, au niveau des secteurs. Voilà, donc le SDIS est en train de refondre tous les secteurs d'intervention, donc on reste vigilant effectivement à comment va être redécoupé ces secteurs. Donc nous travaillons avec les centres voisins en très bonne entente et nous espérons que ça va être appliqué comme ça se doit. Au niveau départemental, vous allez accueillir un événement à la Guépie ? Oui, tout à fait, donc départemental et régional, puisqu'on va accueillir le 20 juin prochain le départemental et régional de VTT sapeurs-pompiers à la Guépie. Donc vous êtes un chef de centre de secours comblé, tout va bien à la Guépie ? Tout va bien à la Guépie, voilà, centre de secours comblé, des personnels au top, voilà, surtout remercier mes personnels, les employeurs et vive les sapeurs-pompiers de la Guépie. Alors, Emmanuel Cross, maire de la Guépie depuis 2020, vice-président au département de Tarn-et-Garonne, en charge des sapeurs-pompiers, premier vice-président en charge des sapeurs-pompiers et du laboratoire et du tourisme. Voilà. Donc aujourd'hui, c'était la Sainte-Barbe de la commune de la Guépie. Une Sainte-Barbe où je suis très attaché parce que j'ai été chef de centre pendant 25 ans. Voilà, donc les sapeurs-pompiers, c'est quelque chose qui me tient à cœur et sur lequel j'ai été animateur départemental des sapeurs-pompiers volontaires et j'étais au niveau de la région, représentant au niveau de la région également. Et ce qui m'importait dans cette défense des sapeurs-pompiers volontaires, c'était leur statut, comment on pouvait permettre à ce qu'un sapeur-pompier volontaire, on puisse le fidéliser, et comment on pouvait le garder sur un territoire qui est très rural comme le nôtre. Puisque la Guépie est un territoire rural, mais en zone de montagne, en plus du marché. Donc c'est comment on pouvait faire tout ça et comment on pouvait trouver des solutions au niveau national, au niveau régional et surtout au niveau local, parce que c'est très localement qu'on trouve des solutions et qu'on les fait remonter au niveau national. Je vais parler d'une mesure simple, c'est comment on permet aux sapeurs-pompiers volontaires d'être disponibles en journée. Voilà, ça a été un combat du conseil municipal de 2020 à 2026 pour comment on fait pour garder des sapeurs-pompiers volontaires en journée sur notre territoire et comment on fait pour qu'ils soient disponibles, parce que les garder c'est bien, mais les avoir disponibles c'est mieux pour pouvoir secourir la population. Alors c'est compliqué et simple à la fois. C'est simple parce que mon relationnel, les choses que je mets en avant, ma franchise sûrement, fait que j'allais rencontrer des employeurs de sapeurs-pompiers volontaires. Je leur disais, dans ton entreprise, tu as la chance d'avoir un sapeur-pompier qui peut, à tout moment de la journée, sur son lieu de travail, te faciliter les choses s'il y a un blessé, s'il y a une intervention, ou s'il y a comment on fait pour se servir d'un extincteur, comment on fait pour pouvoir faire un garrot ou quelque chose comme ça. Et donc, ça, c'était, ça a été un de mes combats pour que les entreprises et les entrepreneurs comprennent que c'était utile d'abord pour eux. Et après, on pouvait expliquer la disponibilité du sapeur-pompier volontaire ou le retard à l'embauche. Parce que ça, c'est important, le retard à l'embauche. Parce que le pompier ne peut ne pas être disponible en journée, mais il peut arriver en retard. Et comment on fait pour que l'entreprise accepte que le pompier volontaire il arrive en retard ? Voilà. En sachant que les dispositifs nationaux, il n'y en a pas. Donc, c'est très compliqué. C'est mon cheval de bataille, vous l'avez entendu sur mon discours que j'ai fait aujourd'hui. J'étais très remonté parce que ici, il y a 20 ans, j'étais chef de centre, j'ai défendu les trimestres de retraite. Je les ai fait monter au niveau régional. Au niveau régional, je me suis battu pour que les trimestres de retraite soient acceptés. Je ne vous dis pas tous les bâtons dans les roues que j'ai eus, par des sapeurs-pompiers volontaires eux-mêmes, c'est-à-dire au niveau régional. Et donc je me suis battu au niveau national. J'ai eu la chance de croiser une députée qui s'appelait Valérie Rabault, qui m'a soutenu dans cette démarche-là, et avec laquelle on a pu faire remonter ce texte. C'est elle qui l'a préparé, hein, ce texte, il faut le dire, hein, c'est Valérie Rabault qui l'a fait. Et aujourd'hui, il est adopté à l'unanimité, et c'est ça qui est fort, à l'unanimité de l'Assemblée nationale et à l'unanimité des sénateurs. C'est, pour un texte, c'est très rare, hein, en France. Hein. Donc, ça a été fait. Oui, effectivement, il n'y a pas tout le contenu, il n'y a pas tout le contenu dedans, mais c'est déjà un pied pour pouvoir faire évoluer ce texte. Et ça, c'est une première victoire. Alors, aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, aujourd'hui, il faut qu'on travaille sur la disponibilité, comment on peut rendre encore plus disponibles les sapeurs-pompiers volontaires avec leurs employeurs. Et c'est là où j'ai demandé au président de l'Union départementale, François-Xavier Evrac, qui était ici, aux députés, Pierre Henri Caronel, de leur dire, toi, au niveau de la région, ben, essaye de faire bouger les lignes, et toi, au niveau de la nation, eh ben, porte le bébé, quoi. Et essaye de trouver, qu'on puisse trouver des solutions dans les ministères pour qu'on puisse faire avancer ce décret-là, parce que je pense que si on ne s'y penche pas rapidement, on perdra notre sécurité civile, parce que un jour ou l'autre, les employeurs de sapeurs-pompiers vont dire hey, « Stop, le coût du travail, le ci, le là, moi, je ne les mets plus disponibles. » Et on les perdra en journée. Et comme on les perdra en journée, et que les opérations, le maximum des opérations, c'est en journée, ben, vous voyez, c'est l'effet ciseau. Donc, il faut vraiment qu'on travaille là-dessus, et il faut s'engager, il faut aller bouger des montagnes, il faut y mettre le paquet. Tant pis, même à pas faire plaisir, c'est pas grave, mais c'est défendre cette noble cause qui est le volontariat aujourd'hui. Sinon, demain, on perdra tout. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent, on est à la Guépie. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre commune et votre village également ? Oui, alors, j'ai la chance d'être maire de ce village qui est exceptionnel, qui est magnifique. On a 720 habitants, on a 42 associations, on a 52 commerçants et artisans. C'est eux les forces vives de notre commune. On a vraiment cette chance-là. On a la fête à la Châtaigne le dernier week-end d'octobre qui fait venir 15 000 visiteurs. Voilà, on a une plage aménagée, pavillon bleu, sur laquelle il y a cette année 22 000 personnes sont venues se baigner. Donc on a vraiment un village de caractère, un village fort. Et avec Saint-Martin-la-Guépie et son château que l'on peut visiter, on a trouvé les ressources pour que ce village y vive. Et qui continue à se pérenniser. Et si je me permets de vous prendre 3 secondes de cette interview, si vous connaissez des médecins qui traînent, on a un nouveau cabinet médical qui a été rénové entièrement. On recherche 2 médecins. Ils seront les bienvenus parce que, comme on est en zone de montagne, on peut les accueillir facilement. Voilà. On peut revenir un petit peu sur les médecins, parce qu'on s'aperçoit que c'est quand même une priorité dans de nombreux villages. Et je vais vous poser une question toute simple. Comment on en est arrivé là ? Ben on en est arrivé là parce que je pense qu'on a voulu... On veut concentrer des médecins sur des villes moyennes, des villages un peu gros, 3000 habitants, parce qu'il y a la ressource. Mais nous, dans des petits villages de 720 habitants, on rayonne sur plusieurs villages et du coup, on dépasse allègrement les 3000-4000 habitants. Et donc, nous, on a notre cabinet médical qui est tout neuf, on l'a rénové, on a investi plus de 120 000 euros pour la rénovation de ce cabinet médical. Il est tout beau. Il suffit qu'on trouve le médecin qui tombe amoureux de ce village, comme moi, je suis tombé amoureux il y a 40 ans. Je suis tombé amoureux de ce village et je me suis installé et j'y vis très bien. Et vous ne pouvez pas imaginer comme c'est le bonheur de vivre ici, quoi. Donc on appelle les lancers. Ouais, l'appel est lancé et franchement, ils se mettent en relation avec la mairie et ils seront bien accueillis. Et puis on trouve des dispositifs financiers pour leur permettre de faire l'installation très rapidement. Merci à vous, Maxi Sud.